flanqué à l'abri de ma guitare. Je retiens dans mon cou la fumée, l'engouement, ma dernière bouffée. Car sur toi, j'ai posé mon regard. Les flots de l'air qui t'entourent roulent et séduisent le marin, désireux d'écumes et de vin, prétendant rallier tes amoureux, et l'ont arrêté en plein vol. Le feu détruit mon hospice, je fonds mes cierges en caprice, mon gosier se baigne d'alcool. Dans ma tête, le licencieux que ton galbe mit à l'éveil, fine taille de merveille, adore ton bal délicieux. Mes mains tièdes, gonflées d'amour, trahissent mon désir caché d'embrasser mes nades louées. Ton cœur pur bannit les retours, mais le mien, le veux-tu si sec, enlaidi et battu avant par ces gourgandines me pigeonnant, me laissant pour baiser un bec. Danse, qu'on dit le fiancé, les attraits que ton corps avance n'offrent plus que ton alliance. Mes yeux crient sourds étouffés. Mes yeux crient sourds et étouffés de ne pouvoir jamais aimer.